Ici Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux. Depuis plusieurs semaines, la vaste opération de vaccination contre la grippe AH1N1 bat son plein à travers le Québec. Déjà, plus de 3 millions de personnes ont pu se prévaloir de cette protection. À l'approche de la période des fêtes, un moment de l'année propice aux festivités et aux rapprochements, je vous invite à poser un geste de solidarité en vous faisant vacciner. Non seulement vous profiterez ainsi de la meilleure protection, mais vous offrirez également aux personnes qui vous sont chères un cadeau inestimable. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. En manchette ce soir à 70 %, c'est l'équipe B qui prend le relais et je voudrais dire que l'opinion et les choix musicaux de DJ Georges n'engagent pas la station, ni encore moins Benoît Mercier. C'est vrai ça. Des ennuis sous les stars d'académie. Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans mes chanchous, les chanchous, chanchous. Quand la cloche sonne, un bon doute donne 170%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent. Tellement faites fort, du bon bon bon fort. Chaton, tweeton, mais doutons encore. Oh, oh, oh, ah. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux doutent à nu. Vive le vent douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon doute donne son 70%. Et bon, voilà. Wow. Alors, l'équipe B aujourd'hui en studio, mesdames, messieurs. Benoît Mercier à la régie. Bonjour. Un mystérieux étonnant. C'est ça. Et puis Claude Bernier. Ah oui, c'est comme bien, un seul homme. C'est sûr. Avec ses mamelons bien dressés. C'est mamelons de papier. Et DJ Georges au micro pour vous servir. Je voulais juste éclaircir quelque chose. La semaine passée, j'étais pas là. Et je n'ai donné aucun signe de vie parce que, bêtement, j'avais mal compris le email que Tommy m'avait envoyé pour me dire qu'aujourd'hui, il serait à Québec, toute la gang, à la Ninkasi d'ailleurs. Ils sont là en ce moment pour visionner le spécial Sexe douteux de Predge. Moi, j'avais compris que c'était la semaine passée, fait que je me suis juste pas pointé. Et là, tout le monde était en émoi, évidemment, vous comprenez. Fait que cette semaine, je me suis dit, bon, ben, vu que j'en ai manqué une, puis que là, ils sont pas en studio, ben, je pourrais bien aller compenser tout ça en allant mettre plein de joyeuseté audio, enfin, sans avoir Tommy qui m'arrache la tête puis qui coupe mon son. Tu vas en profiter pour des intégralités, c'est ça? Exactement. On va y aller pour beaucoup, beaucoup de chansons complètes, puis... Bon, des commentaires quand même de temps en temps, parce qu'il faut bien parler. Puis ça là, va faire mal aux oreilles. Ça va faire très mal, parce que j'ai trois gros sujets principaux aujourd'hui. Imaginez-vous donc que vendredi, c'était le centenaire du Canadien de Montréal. Mm-hmm. Le fameux centenaire, le vrai. Le vrai, la date exacte. Pas puis... celui de l'année passée, c'est ça? Non, non, c'est ça, ni celui de l'année prochaine. Donc, c'est le centenaire de cette année. Puis, donc, j'ai des tounes un peu à ce sujet-là. Et aussi, hier, c'était le 20e anniversaire, sur une note plus triste, de la tuerie de la Polytechnique avec Marc Lépine. Je pense qu'après 20 ans, il est le temps qu'on change un peu notre regard là-dessus puis qu'on réfléchisse tout en écoutant des bonnes tunes que ça m'a inspiré. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, voyons, tu peux pas faire jouer des tunes poche en parlant de la tuerie de la police, c'est de mauvais goût. Fait que je vous laisse deviner ce que je leur ai répondu. J'ai plein de belles affaires, le fun. Et sinon, ben on finit ça en beauté avec Noël. Évidemment, c'est le mois de Noël aujourd'hui. On commence le mois de décembre. C'est le premier 70% de décembre. Et Radio Cochonnerie est en spécial de Noël depuis le 3 décembre, comme le veut la tradition. C'est notre 10e spécial de Noël à Radio Cochonnerie. Donc, en ce moment... Ça fait 10 ans que Radio Cochonnerie, ça va faire 10 ans en juillet. Comme on a commencé en juillet, ben, on a fait un spécial de Noël avant d'avoir un an. Merci, merci. C'est l'âge de mon fils, incidemment. C'est drôle, hein? Ah ben, tout est arrivé en même temps. Tout est arrivé en même temps. C'est quand j'avais un fils sur les bras puis beaucoup de nuits à rien foutre que je me suis dit, je pourrais digitaliser des tounes tant qu'à donner un biberon. Pourquoi pas? Fait que ça a commencé de même, puis là, donc, 10e spécial de Noël. Donc, on commence toujours par saupoudrer légèrement la playlist de quelques succès des fêtes, puis plus le temps passe, plus le ratio augmente. Puis la semaine avant Noël, c'est du non-stop, du cochonnerie non-stop. Des fêtes. Question de vraiment se mettre dans l'ambiance. Exactement. Puis là, après ça, c'est Noël, puis là, on continue avec des tonnes de rigodon, puis de jour de l'an, puis après ça, on retombe dans la cochonnerie habituelle. Bon. Qui, en plus, sera possiblement augmenté bientôt parce que là, il y a Louis-Éric Gagnon qui veut faire un don à la station puis veut me donner un nouveau disque dur pour que je puisse... Parce que j'ai plus de place, mon serveur. J'ai trop de cochonneries. Colin, t'as à peu près combien de gigs, sais-tu, à peu près? J'ai à peu près une vingtaine, je dirais. Moi, j'ai un petit disque dur parce que c'est un vieux serveur poche. Ah oui, c'est vrai, t'utilises un ordinateur, toi, pour... C'est ton propre serveur, c'est ça? C'est mon propre serveur dans mon sous-sol, chez nous. C'est un 286. Non, c'est, j'exagère. C'était plus simple. C'est un Pentium 2, quand même. J'avoue que ça date avec un Linux dessus qui... Il pourrait jamais rouler Windows, fait que j'ai mis Linux. OK. On roule avec ça, puis là, ben le disque est plein. Ce qui fait que ça fait longtemps que j'ai pas mis de nouveauté. Donc ça s'en vient. Pendant le temps des fêtes, je vais bisouiller ça, puis après ça, ben on va être prêt à accueillir les nouvelles cochonneries. Mais ça promet pour la nouvelle année? Oui, ça promet des belles résolutions. j'ai certainement un an de cochonneries que j'ai accumulé puis que j'ai pas mis sur le serveur. Mon Dieu! Donc ça va cogner dur après le spécial des fêtes. On commence avec quoi cette semaine, M. Forêt, dans tes musiques? Est-ce que tu avais autre chose à nous dire avant? Non, c'est tout. C'était ma longue introduction. Claude, toi, tu voulais nous parler de quoi déjà? Ben, un petit peu plus tard, je voulais juste parler un peu de la culpabilité. Bon. Ah, OK. Est-ce que ça existe vraiment, premièrement? Oui, ça existe vraiment, mais surtout, on essaie de nous faire sentir coupables. Ah, voilà. Est-ce quelque chose à te faire pardonner, toi? C'est pour ça que... Tiens, le lien qui est là, tellement répond. Que j'aurais besoin de mon propre show. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, OK. En tout cas, je te donnerai l'adresse de mon fleuriste. Merci. Ça règle tous mes problèmes. Donc, on peut commencer par une petite toune pour fêter notre fameux centenaire de Nos Canadiens. Oui. En go, écoutant let's go. Une chanson qui s'appelle justement « Nos Canadiens » par le fameux club Kiwanis de Laval. Et à Laval, on roule nos airs. Ça me surprend qu'ils l'ont pas fait jouer aux festivités du centenaire. C'est mort au milieu de sa mue. C'est vraiment comme ça que les Québécois parlaient à l'époque. À Laval, apparemment. Quand on regarde les films de ce qu'il y a plus souvent aussi, on a fait qu'on a fait d'autres choses. Télémétropole. J'ai réalisé que j'étais vieux cette année parce que je vais tout le temps référer V en tant que TQS. Voilà. Et un jeune éventuellement qui va me dire TQS, c'est quoi ça? C'est bien vite, oui. C'est comme quand ma blonde elle me parle de la station Berry de Montigny. Je me permets de rire d'elle, elle me dit oh mon Dieu, ça fait longtemps ça. Ma blonde est bien belle. C'était ma grand-mère. Hein. Ça reste dans la famille, t'as pas de jeune à Noël. C'est bien, hein? La Sainte Flanelle. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà nos Canadiens. Hola, hola, 1-2, hardi les gars au jeu. Voilà nos magiciens, voilà nos Canadiens. Bon, ils souffrent en arrière ou ils sont contents? Je sais pas. C'est difficile à dire. Ouais, voilà. Mon Dieu, ça fait mal, ça. Ça fait mal, mais ça fait du bien en même temps. Mm. Il devrait faire jouer ça des fois quand que les Canadiens vont pas bien. Tu sais, oh là, puis là, ça marquerait des buts tout de suite. C'est sûr. On n'arrête pas de jouer à toune tant que vous comptez pas des buts. Ouais, mais la toune est en français. Il n'y a pas grand joueur qui comprendrait de toute façon ce qui. Oh, je pense que c'est pas important de comprendre les paroles. Ouais, j'avoue que la sonorité a du tout. C'est ça. Sinon, ben, il y a ce grand classique que tout le monde connaît de 1982. Jean Robitaille et Michel Comeau. Il y avait de la trompette. Hein? Colin. Il avait des cuivres dans le temps. Ah, mais je sais que c'était avec qui créait la trompette. Quand j'étais petit dans mon quartier. Ah, pas beaucoup de monde se souvient des couplets de cette chanson-là. La batte 5 ans! Mais ça, on a un coup de voir la bière. Je sais pas, ça fait pré-chicane, tu sais. Bleu, blanc, rouge, roche, hier, aujourd'hui et demain. C'est tellement 82, en fait. Bleu, blanc, rouge, roche, le Canadien. Tu sais, moi, je me rappelle du moment où c'était super populaire, la chanson. Ça a été populaire, ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. On a été bas comme ça, comme ça? Oui, oui, oui. On était bien plus bas encore, là. On oui, commençait à s'en sortir, là. Ouais, ben, moi, j'ai un certain souvenir, là. En 82, j'avais quand même 7 ans, mais je me souviens du refrain. Ouais, c'est mais ça. Mais je me souvenais pas de la voix désagréable du gars. Non, c'est ça, hein. Ça, c'est parti d'un... Une espèce de pré-garou aussi, hein. C'est ça qui chante ça? C'est Jean Robitaille et Michel Comeau. Je sais pas lequel des deux chante. C'est de la toune leur est créditée aux deux. Qui embarque, là? Ça doit être Michel Comeau, ça. Ça doit être un jeune. Ah, c'est une femme? C'est une femme, on dirait, ouais, ou un jeune. Moi, je pense que c'est un enfant. C'est Michel au féminin. Au féminin. Oh, ouais. Pardon, au masculin. Il colle. C'est peut-être un enfant de 8 ans, tu sais. Je préfère une enquête. Ah! Ah, voilà! Rouge! Boum, qui revient. On arrive à la fin, s'il vous plaît. Plus que 5 secondes, attention. Ah, je me souvenais pas d'une époque où j'entendais pas cette chanson-là. Ça nous change totalement. Ouais. Puis regarde, même, c'est pas tout. J'en pars un autre, là. C'est pas à m'en faire? Tu penses, hein? Ben, permets-moi de l'avancer au milieu, s'il vous plaît. Oh, la version. La version. Oh, anglais, oh yeah. C'était quoi? C'était pour une année, ils mettaient ça dans le début des games, là, au même niveau qu'ils mettaient la chanson de YouTube. Ah, c'est bon, hein? White, blue. Ça rentre moins bien, un peu, ça. Non, non. Bye. The team for me and you. Ça, on ne laissera pas ça aller jusqu'au bout parce que ouais. C'est exactement la même affaire. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que c'est ça. Moi, ça, je me rappelais pas d'avoir jamais entendu une version anglaise avant tout récemment quand je suis tombé là-dessus. Je suis content que j'avais un an quand cette tournée est sortie parce que je m'en souviens pas en tout. Ouais, ça a tout été refoulé. Mm. Ça explique peut-être plein de choses. Ça explique plein de choses, après moi. Ouais, faudrait en parler avec ta thérapeute. Tout seul. Sinon, ben un grand joueur bien connu de cette équipe des Canadiens. Quand c'est une passe de Butch Bouchard, il prenait le puck derrière ses gaules. C'est quoi? On aurait dit, il portait le sang de tout le Québec sur ses épaules. Mais qui donc? Pardonnez-moi si aujourd'hui je vous en parle comme s'il était mort. Aujourd'hui, il est mort. C'est qu'il était toute ma vie sous son chandail tricolore. Je sais pas s'il est mort, en fait. Ouais, je pense que... C'est qu'il était toute ma vie. Vous allez voir. Sous son chandail tricolore. Je le connais tellement un peu, en hein, ok. Je pense qu'il est mort. C'est Pierre Letourneau qui chante. Sur le guimbarde, c'est incroyable. Il a l'air très heureux, celui qui chante en arrière. Ah, c'est un tambour. Ouais, ça ne sont pas d'ol. Je couche, mais on s'en va pas. Ah, lui aussi, il voulait ses airs. La balle. C'est ça. Quelque chose dans l'eau. Je sais que sans aucun doute, tu t'ennuies de plus en plus fort. Les 15 000 spectateurs de vote pour moi, une fois des tuèques de ta part. Ça, c'est vrai. Les 15 000 spectateurs de vote pour moi, une fois des tuèques de ta part. Maurice Richard. Ça, c'est de la poésie, les jeunes. Maurice Richard. C'est mon beau préféré. Ouais, quand ça mange, hein, ouais. C'est en honneur de qui déjà cette tune-là? Je sais pas, je pense que c'était. Ça se peut-tu, le gars, là, Gary Carter? Ouais. Joue les Exploits. Ouais, ça se peut. En tout cas, j'ai trouvé le nom de mon prochain garçon, Maurice Richard Bernier. Ouais, ça serait bon. Ouais. Ça serait comme les Jeanne Mance. J'en connais, c'est ça. Mais oui. Ouais. Tu sais, avant, Mance, c'était le nom de famille. Là. Mais tu peux donner ce nom-là au grand complet si tu veux lui rendre honneur. Fait que Maurice Richard comme prénom, c'est. J'en connais une. Ouais, moi aussi, j'en connaissais une, mais morte elle aussi. Jeanne Mance, on vieillit un peu. Alors, sinon, ben un autre très grand joueur, puis ça, bon, Claude me demandait en début d'émission si je l'avais, c'est sûr. Ça prend du Guy Lafleur dans un spécial sur le Canadien. Et puis Guy, ben, qui a sorti son album Disco en 79. Non, il a pas fait ça. Ouais, tu savais pas ça? Ben, je savais que U2 avait sorti un album Disco, ça a fait ben de la merde, mais Guy Lafleur, en fait, ne s'est clairement pas chanté, ou du moins, il a pas voulu s'essayer, si on lui est tous reconnaissants. Mais il a quand même décidé de sortir un album Disco en 79. Et puis, sur cet album-là, le principe, c'est que c'est du beat disco, des filles qui chantent les refrains, puis les couplets, c'est lui qui explique comment jouer au hockey, sans essayer de chanter, il parle par-dessus. On prend des notes à la maison pour améliorer son jeu, là. Oui, alors je vais commencer par Savoir patiner, un des grands succès de cet album, qui s'appelle tout simplement... Savoir patiner, c'est la base. Oui, on commence comme ça. C'est vraiment très disco. J'aime déjà. Oh, il y a des airs de lancer contre un peu en arrière. Les cuivres sont là aussi, on rendez-vous bien ça. Quand j'étais jeune, mon père et ma mère ont fait certaines choses qui m'ont permis de devenir l'un des meilleurs patineurs de la Ligue nationale. Par exemple, mes parents n'avaient pas toujours les moyens d'acheter l'équipement le plus cher. Mais chaque fois que j'avais besoin d'une nouvelle paire de patins, ils s'assuraient que la bottine soit bien ajustée. Ouais. C'est-à-dire à peu près une pointure plus petite que celle de mes chaussures. Ah. On était pauvres, mais on avait les patins qui nous faisaient. Supplémentaires dans la région de la cheville. C'était toujours très important pour eux. Toujours. J'ai vite compris pourquoi. Ce qui compte, c'est l'équilibre. Oh, changement ici. Ouais, un petit bridge. Oh, il y a eu un truc... Man, hein? Ouais. D'un bord à l'autre. Et le secret de l'équilibre, c'est une position propice. Il y a un exercice que j'ai appris de mon père qui m'a beaucoup aidé à acquérir de l'équilibre. Tiens-toi bien droit. Avec, entre les pieds, l'écart de la largeur des épaules. Maintenant, plie les genoux. Rappelle les points importants. Seulement les genoux. Garde cette position pendant quelques secondes, puis redresse-toi. Et répète l'exercice. Voilà, après. tout est là. On peut pousser cet exercice un peu plus loin une fois qu'on est sur la glace. OK, tiens-toi bien droit. Tire les joues seulement. Hein. Tire la tête et les épaules vers l'arrière. Maintenant, en utilisant seulement la main qui tient le bâton et en gardant toujours toute la palette sur la glace, commence à patiner. Choisis un point à l'autre bout de la patinoire, patine jusque-là et arrête-toi. Mais il fallait que tu écoutes pendant que tu le faisais. Ouais, ou ouais. C'est après, non? Hey, t'allais ton 33 tours portatif. C'est ça, il n'y avait pas d'iPod hein, dans ce temps-là. C'est compliqué. Choisis un autre point à l'autre bout de la patinoire et patine jusque-là. Non, mais ça n'a pas de sens. Arrête-toi. Tu prends des notes. Ouais, tu l'écoutes tout, tu vas l'essayer, tu reviens. Ton point traverse encore la glace vers un autre point que tu auras choisi. Continue à faire cet exercice-là en choisissant chaque fois un point différent et bientôt, tu auras établi ton propre ensemble de repères. Hey, comment dire? Maintenant, pratique à patiner en suivant le parcours que tu t'es fixé et quand tu auras maîtrisé tes points de repère, essaie de patiner avec la rondelle. Oh. Transporte la rondelle avec toi jusqu'à ton point de repère personnel et recommence aussi souvent que tu le peux. C'est comme ça que tu en arriveras à la position propice qui est si importante à ton équilibre. J'aurais besoin de me faire rappeler les points importants là, par des chanteuses. C'est ça qui peut arriver, je pense. Pied 3! Mon père avait l'habitude de me dire « Regarde Jean Béliveau patiner. Bon. Regarde ses grandes enjambées puissantes. Il peut équilibrer tout son corps sur une seule jambe en laissant son autre jambe libre pour développer l'élan et la puissance nécessaire à générer une grande vitesse. » C'est ça, ton père. C'est tout le temps. Cette habileté-là, il l'a rendu extraordinaire. Il avait un bon langage pour un bonhomme si de surcoût. Regarde ces grandes enjambées puissantes. Regarde, Guy, les as-tu vu? Pour apprendre à patiner à reculons et pour m'aider à acquérir l'équilibre nécessaire et le contrôle de mon corps, il a fallu que je fasse des croisements. Mon père me poussait tout le temps. Ils sont assez faciles à maîtriser. On battait des Spartans. Les croisements. Tiens-toi droit. Plie les genoux. Tiens ton bâton d'une main et maintenant prends ton pied droit, croise-le devant le pied gauche et dépose-le sur la glace. Maintenant. Quoi? Lève le pied gauche et place le côté du droit dans la même position qu'au début. Avec, entre les pieds, un écart de la largeur des épaules. Maintenant, fais-le en comptant 1, 2, 3, stop. En commençant vers la gauche. Et là, le secret. Et en allant ensuite vers la droite. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas fait un album que tu contrôles bien tes pieds. Ouais, ajoute un peu de rebondissement en pliant puis en redressant les genoux quand tu passes un pied par-dessus l'autre. Vraiment deux faces. Puis, check, oops, ouais, même l'ordinateur s'est écœuré. Ouais, cette année, là, on passe à autre chose. Mais regarde, il y a même des tracks en anglais. Non. Ça s'appelle Scoring. Double connotation ici. Oui, check it bien, c'est vraiment une phrase tout le long du début, là. On peut sentir la double connotation. OK. Puis dire dans sa tête, that's what she said à chaque fois. OK, on va voir. That's what she said. L'intro est un peu longue. Je me rappelais pas que c'était long de même. Ouais, c'est un vrai délice pour les oreilles de toute façon. Once you have mastered a good shot, you must learn when to use it. It's important when you practice your shots to always shoot towards the target. That's what she said. Control of any shot comes from a closed or open blade. To keep the shot low, close the blade. And to shoot it high, all you have to do is open the blade. Remember that backhand shots are more difficult because of the curved stick. That's what she said. Ah, oh, mon Dieu, même les back vocals. When attacking a goaltender, never carry the puck in front of you because he knows you cannot shoot from that position. Ouais. The goalie takes one look. He reads leak or pass, and he backs up. Don't tell him what you're gonna do. Ben non. Don't give ben him non. the additional advantage. Scoring goal is tough enough without giving the goalie the edge. Carry the puck beside you. Now you have him guessing. Then, if the goalie backs up to the crease, shoot. If he stays out, deek. The attacker always has to react to the goalie's position. This is why freedom of thought at high speed is so important. At 35 miles per hour, with two or three guys chasing me, I have about a quarter of a second to look, analyze, and react. So you should never predetermine what you're gonna do. You've got to be able to think on the spot. Ah, j'en ai pas. Bon. C'est incroyable, hein? Ça donne vraiment l'impression qu'on est sur une bonne tune disco, mais oublie ça, là. C'est quand, dès qu'il se met à parler. Je comprends pas comment ça se fait que même à l'époque, quand Guy a entendu ça, il a pas fait comme... Ça a pas d'allure. Ouais, parce que il me semble arrêtez même ça. Pour la mode de l'époque, c'était... Ouais, puis en 79, le disco était déjà pas mal en train de mourir. Ben oui, c'est ça. Ça tombait lentement, ben sûrement. C'est déjà en 80-81, c'était pas mal fini, puis c'était New Wave. Fait que, donc, je sais pas trop c'est quoi l'idée. Je pense que c'était de faire juste un coup d'argent en misant sur sa popularité. Puis, non. Il a dû en vendre quand même pas mal. Je suis pas sûr que ça a aidé du monde à apprendre à jouer au hockey. Peut-être que les jeunes du Canadien aujourd'hui ils ont grandi en écoutant ça, puis c'est pour ça qu'ils sont rendus là aujourd'hui. Peut-être qu'ils devraient l'écouter aujourd'hui. Peut-être qu'ils devraient l'écouter plus. Surtout scoring, là. C'est une track importante là-dedans. Très importante. Mais c'était-tu, est-ce que c'est comme l'équivalent d'une track française ou c'est vraiment une track française puis là, ils vont avoir une en anglais plus tard? Non, en fait, sur le disque, c'est mélangé les deux ensemble. Puis il y en a certaines, justement, comme celle-là, qui sont faites à la fois en anglais et en français. Qui se répètent. Parce que si t'es la première étape en français puis tu parles pas anglais puis la suite est en anglais, t'es faite. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que non, ça se répète. Bien d'ici, j'ai... La qualité sonore est moins bonne de cette piste-là. On l'entend un petit peu. Mais on a marqué un but, tu vois, qui est scoring. D'ailleurs, le son ne sort que d'un côté. Que d'un côté, oui. À droite, là. Et les aiguilles, ils ne savent plus quoi faire. Là. J'en ai quatre qui vont dans différentes directions. Ouais, ça, c'est moins bien enregistré. C'est malheureusement, j'ai pas le 33 tours de ça. Je le cherche depuis longtemps, mais les gens qui l'ont, ils le gardent, j'ai l'impression. Fait que je peux juste trouver des encodages poches ici et là sur le web. Ah, mon Dieu. Quand? Tu sais, c'est pas le temps de s'en servir, là, mettons, après le match. Hein. Ah. Tu commences par regarder l'horaire, tu sais. Fait que c'est ça, tu vois, c'est le même... c'est la même affaire, mais... Ouais. J'avais un petit Guy dans mon oreille droite. La courbure du bâton. That's what she said. Uh-huh. Ça fait du bien de se retrouver, un peu plus centré stéréotypiquement parlant. Donc, c'était ça, c'était mon magnifique bloc canadien. C'était un très beau bloc. Oui, ouais, c'est 27 minutes de pure délice. La passion est réanimée en studio en avant pour la Coupe Stanley. Oui, ça sent la Coupe tout à coup. Mm. Ça, c'est une espèce de vieux fond d'alcool, mais bon, ça sent la coupe. Ça sent le tonneau. Mais toi, Claude, t'es vraiment un fan de hockey, non? Parce que moi, je suis pas... Dans ma vie, j'ai écouté le hockey deux fois et réellement beaucoup. Comme l'année passée et l'année d'avant, j'avais écouté en moyenne 60 matchs. Mais cette année, non. Je regarde les résultats dans la presse le matin. C'est quoi qui explique ça? Tu t'es tanné ou c'est non, l'équipe est moins bonne? Non, j'habitais à Rouen, j'avais une vie stable et j'avais rien d'autre à faire. Avec une télévision 32 pouces puis le câble numérique, let's go. Là, maintenant, tu as une vie instable puis beaucoup de temps libre. Et pas de câble numérique. Moins de temps libre, effectivement. Donc, tu es tout le temps parti d'un bord puis l'autre. Puis... Exactement. Surtout de l'autre. Câblé classique en plus. Ça va être pas... Exactement. Non. Mm. Chez nous, j'ai même pas RDS. C'est pas un vrai homme. Non, vraiment pas. Le câble. C'est encore pire. Bien sûr. Au moins, moi, j'ai le câble. Donc sinon, ben rappelons-nous qu'il y a 20 ans, hier, 14 personnes perdaient la vie à la Polytechnique et 150 000 autres échouaient leur cours. J'ai fait une session de cours à Polytechnique et j'ai échoué plein de cours. Ah oui? Ouais. T'étais-tu, t'étais pas à l'époque? Non, je suis pas assez vieux pour ça. J'étais vieilli une petite affaire. Quand même un peu. Ça fait quand même 20 ans. Là. Ça fait 20 ans, c'est ça, puis j'étais pas à l'université là 20 ans même. Mm-hmm. J'étais là un peu après, puis ça sentait plus la poudre ni rien, mais on coulait nos cours quand même. Donc, tout le monde connaît, bien sûr, tiré, entre autres, de la soundtrack de Kill Bill, la chanson Bang Bang, qui est normalement chantée par... Tune si mauvaise que ça, d'ailleurs. Qui est assez bonne, oui. C'est chanté par Nancy Sinatra, mais par contre, quand c'est Chantal Perry qui décide qu'il en fait une reprise, c'est un peu moins bon. Même les instruments sont comme moins bons. Comme désaccordés. Ouais. Achevez-moi. C'est ça. Oh, pratiquer longtemps. Es-tu tombé? Nous étions que des enfants. Nous n'avions que 5 ou 6 ans. On jouait au même jeu. C'était lui le plus fort des deux. Bang bang. Il me tirait bang bang. Il me blessait bang bang. Moi je pleurais bang bang. Et il me consolait. Ouais. Chantal Perry, on rappelle, qui a volé un pyjama à 35$ dans un labé pour protester contre la convergence. Oui, oui. Donc avant ça, elle a fait cette chanson-là. Femme très équilibrée. Tout à fait. Car il se passa le temps, ils sont tous devenus grands. Elle pleure-tu ou est comme... C'est voulu, ça? Je pense que l'émotion, en tout cas. Ouais, c'est une émotion, on sait pas laquelle. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je détecte une émotion, mais je ne sais pas c'est laquelle. Je suis même pas sûr que je peux la reproduire. On dirait qu'elle essaie d'imiter la belle voix chaude et profonde de Michel Richard, mais qu'elle y arrive mal. C'est chaud, mais c'est creux. C'est ça. C'est pas son registre habituel. Si on tient bon, là, il nous reste 1 minute 17. Oh, mais je suis pas pendant que je vais pleurer. Ce petit bout de pépé. Oh, oh, oh. Ça, c'est pas dans l'original de cette façon-là. Non, hein. C'est un petit peu slave. Ah, non, on tombe là. Il souffle un peu. Il était mon grand amour, je voulais le garder toujours, mais moi je n'étais rien pour lui, car sans un mot il est parti. Bang bang, il m'a quitté. Bang bang, je t'ai blessé. Bang bang, je vais pleurer. Bang bang, sans être consolé. On est tous au bord des larmes. Pour différentes raisons. Oh. C'est pénible, la petite trompette en sourdine. Alors voilà, c'était mon équivalent de prendre une minute de silence. Ouais, mais tout dans le contraire. C'est ça. Il appelait ça plus une minute de déprime, mais bon. C'est bon quand même. Mais sinon, si vous voulez quelque chose, une version plus intéressante que celle-là, ben quoi de mieux pour mettre un peu de féerie et de vie dans tout ça que de demander à Radu de nous l'interpréter Radu! Avec sa magie et sa flûte de pan. La même toune? La même toune. Wow. C'est ça de plus grandiose. Radu, il y a ses claviers. Ah, ça, c'est son accompagnement. OK. On va le laisser là, puis je pense que ça sera correct. Ça, c'est ses timbales au poulet. Oh! Et voilà, un petit air disco, soudainement, inattendu. En tant que Radu faisait de la poudre. C'est ça. Avec Guy Lafleur, ouais. Ça reste un party animal quand même, Guy Lafleur. Hein? Ah, ben là. Ah, ça, j'ai pas de misère à le croire. Je pensais que t'allais dire Radu. Hein? Ben, les deux, hein? Voilà. Ah, la flûte de pan. C'est tout le temps un bon moyen d'améliorer n'importe quel tune. C'est vrai, hein? Tu m'apprends ta flûte de pan. Puis... On n'a jamais assez de la version flûte de pan. Jamais. Il faudrait essayer d'avoir Radu à l'émission ici à un moment donné. Je suis sûr que c'est faisable. Sûrement. Mon chenille est tombé dessus à un moment donné dans un Zeller. Ouais, puis il s'était fait autographier son album. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il a demandé pourquoi il voulait cet album-là, qui était beaucoup plus vieux qu'un... L'album plus récent. Il a dit non, je l'ai vu dans une annonce. Ouais, sur une vieille VHS. Ouais, ouais. C'est le gros projection. Ouais. J'ai pitché les projectiles dans ta face aux projections. J'aimerais avoir le disque dont tu nous parlais à ce moment-là. La source de la souffrance. Ah, c'est tellement beau. Mais j'aime mieux cette version-là, je pense. Ben, c'est quand même moins désagréable que Chantal Paris. Ouais. Ça s'écoute mieux en background, tu sais, pendant un souper. Hum. Mm. Un souper très court. Ben, avec du vin maison, là. Ouais, à bonne franquette. Faites en poudre, là. Ben, faites en poudre, ouais, c'est ça. Élaboré au Canada avec un supplément de sulfite. Pareil, on fait ça dans les années 90. Ouais, tout le monde faisait ça. Hein. Il y avait aussi Jeannette Bertrand qui avait une recette de vin faite avec du jus de raisin Welsh. Ah, oh, ouais. Tu faisais comme macérer du jus de raisin Welsh. Oh, super de bonne idée. Ouais, c'est ça. Du jus fait de concentré. Et d'équilibre. Ça devenait du vin éventuellement. Ouais. Parce que ça venait quelque chose, ça, c'est sûr. Ça faisait mal à la tête le lendemain. C'est tout ce qui compte après tout. Ben ouais. T'as l'impression d'avoir fait de quoi. Au lieu d'avoir écouté le hockey à Rouen. Oh! Breakdown. On s'en va vers la victoire. Ouais, c'est clair. Moi, ouais, il est parti de Radu, là. Ouais, là, c'est son organiste, il se croit. Il veut beaucoup de place, il essaie de voler le show. Ah, non, il est là. Mais Doux veille au grain. Il est parti là sur le stage, il se promenait, il a pris une bouteille de bière. C'est ça. Dormir. Il a crié deux fois rock'n'roll à la poule. Il s'est épongé le visage avec sa cravate puis il a pitché dans ça. Toutes les gens de l'hospice étaient en liesse. Ah oh, non. À cause de liesse. Ouais, j'ai toujours voulu l'appeler. Ce genre de musiciens-là viennent. Moi, je travaillais dans un hôpital. En fait, une de mes jobs, je travaillais dans un hôpital. Puis l'accordéon est souvent au rendez-vous. C'est vrai. Pour les personnes âgées qui vivent là, les soins prolongés. Et c'est pas vrai qu'ils aiment ça tout le temps. Ah non. Ils sont même pas mal. Moi, dans le même temps, eux autres, ils aiment pas ça. Ben, ils étaient tannés. Ouais. Le gars, il avait un trou dans son accordéon, ça sonnait mal. Il chantait vraiment comme le. Ouais, ben là, c'est sûr que si on leur refile des cochonneries comme ça. Bah. Je pense que le gars faisait ça gratuitement. Il avait de la bonne volonté, mais le monde était tanné. Ah, c'est beau, hein? La flûte de pan qui s'éteint lentement, qui meurt au loin. Donc, c'est comme un coucher de soleil. Ouais. Ouais, c'est la même affaire. Fait que, à part de ça, ben, pour rester dans le bang-bang, mais changer quand même de tune, il y a Frédéric François qui a fait aussi une chanson qui s'appelle Bang-bang, mais qui a rien à voir. Alors, on part ça, ça gâche un petit peu au début. C'est charmant, j'aime ça, mais. Ça rappelle aussi Mambo No. 5. Oui, oui, t'as raison. C'est avant ou après? C'est après. Ben, c'est Mambo No. 5. C'est quasiment pendant, en fait. J'ai collé son micro contre bang, la radio. Bang, bang, comme un métronome. Bang, bang, bang, dans le cœur des hommes. Bang, bang, bang, la fièvre résonne. Bang, bang. Sacré Frédéric François. Bang, bang, bang, dans le cœur des hommes. Bang, bang, bang, les nuits déraisonnent. Bang, bang, bang, les femmes s'affolent. Bang, bang. Bang, bang, bang. Gang, bang. Les garçons sont fous d'elle. Bang, bang, même gang. Les maris fidèles. Ironiquement, c'est tiré de son album Merci la vie. Hein? Parce qu'elle lui a dit bienvenue, ou... je sais pas, en tout cas. Parce qu'elle a pas l'air d'y rendre en ce moment. Non. Ça a pas beaucoup poigné. C'était en 2007, cette affaire-là. Quoi? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est récent. Je pensais qu'il avait arrêté de faire de la musique pour le plus grand bien de la société, mais. Non. Il continuait, il s'accroche à la vie. Il lui dit merci. Bon, mais qui l'écoute maintenant? Je veux dire. Nous autres. Ben là, on est trois. Apparemment qu'il y a comme 500 à 1000 personnes en ce moment qui l'écoutent aussi. Ou qui vont l'écouter plus tard en podcast. En ce moment, on est 6 total. L'archive compte pas, c'est tout. Ouais, la fièvre. Fièvre résonne. Ça résonne de la fièvre. C'est vraiment un bon verbe. Ouais, il y a les hommes aussi qui s'affolent. Donc, je pense que celle-là, je la laisserai pas au complet. Je commence à avoir pitié de nos pauvres auditeurs. Ouais. Pourtant, on se complaît pas trop, moi. Puis, Non, non, vous êtes bons, vous êtes. Non, on a un bon éditoire, mais je te dirais, je ferai pas ça à chaque semaine. Non, c'est ça, c'est parce que toi, t'as des doses massives, mais c'est très espacé. C'est comme un genre J'ai mon vaccin c'est pour 6 mois. C'est un vaccin de cochonnerie. Ouais. Exactement. Oui, c'est parce que je suis sain d'esprit. On le sent tout de suite. Dis-le, le gars qui a les tits de papier sur sa chemise en ce moment. Ça, c'est beau, hein? C'est une nouvelle mode que Claude essaie de lancer. C'est coller des mamelons en papier par-dessus sa chemise. Comme ça, je peux jouer avec tout le temps. Ouais. C'est vraiment beau. Puis on a vraiment le goût de se toucher. C'est vrai qu'on a le goût de se toucher parce que t'as mis comme une cible au milieu, en plus. Ouais. Là, comme c'est un mamelon très rond. Straight to the heart. Ouais, puis de l'autre côté aussi. Donc, mine de rien, c'est en train de se continuer cette affaire-là. Donc, je vais passer à quelque chose d'autre complètement. Donc, on sait que Marc Lépine était un grand sexiste. C'est d'ailleurs ce qui a motivé tout son geste. Il y a d'autres chansons. Il y a des chansons qui sont un peu sexistes aussi. Entre autres, Les Sultans, qui nous chantent Les Filles. La qualité sonore n'est pas au rendez-vous non plus. Ouais, ça a l'air loin. Hein? Tu vois, ça c'est comme un moins 3 pour moi. C'est même pas le fun à écouter. Non, c'est grave. Pénible. C'est pas facile. Elles croient qu'elles ont sur nous l'avantage. Ça fait beau. Ça bouge. Ouais, hein, ça se déplace. C'est pas moi, là. ça, je pense que c'est l'encodage qui est tout croche, ou un vieux disque gondolé. Donc, les Sultans avec Bruce Huard, qui nous ont aussi donné La Poupée qui fait non. Des classiques. Oui. Et puis, il y a également ceci qui est une reprise intéressante. C'est pas vraiment de la cochonnerie. C'est Pépé Gauze Français, anciennement Pépé Secteur, qui nous reprend Laisse tomber les filles de France Gall. J'avoue que c'est assez sympathique, cet album-là. Quand même pas super. Ouais, c'est... j'aime bien. C'est le fun comme truc. Il a repris, entre autres, Voici les clés de Patrick, de Paul Patrick, de Gérard Lenormand, puisque ça, c'est ma préférée sur l'album. Voici les clés qui me fait tout le temps penser à mon beau-frère que ma sœur a laissé, puis qui l'a attendu patiemment, puis qui est revenu. On lui dit bonjour, Yves. On se revoit à Noël, man. Awkward partout. Vraiment pas. Imagine le party de Noël, comment ça va être quand je vais repartir. Partie de Noël chez les forêts, c'est quel genre de musique que tu fais jouer? Moi, je fais jouer de la cochonnerie, mais c'est pas unanime tout le temps. Là, ah, OK. Ça finit toujours par être... Bon, OK, là, c'est assez, on a assez entendu. Puis là, mon père sort ses disques de jazz. Ouais. Le petit forêt, lui, il aime quoi? Lui, il aime plusieurs cochonneries. Mon fils, mine de rien, là, il se dirige là-dedans. En train de l'entraîner. Ben, il est tombé dedans à sa naissance. C'est ça. Fait que lui, il est immunisé. Il y a bien des tunes poches que lui, il trouve bonnes pour de vrai. Puis sur son lecteur MP3, il y a un gros paquet de cochonneries mélangées avec des chansons normales de son âge. Il va faire fureur au primaire. Oui, hein, c'est ça. Même il y a un prof à un moment donné qui disait... je voudrais mettre de la musique dans ma classe pendant que les élèves font un bricolage, je sais pas trop. Fait qu'il disait, ça serait bien si on... mettre ça à pause. Ça serait bien si on... tu nous passais, tu sais, ton lecteur. Puis là, ma blonde a dit, tu sais, t'es en même école que lui, l'enseigne. Puis elle dit, c'est peut-être pas une super bonne idée. Puis là, finalement, ça s'est pas fait à cause de la censure de ma blonde. Ah, c'est dommage, ça, parce que oui, il aurait pu tout... Tous ces jeunes cerveaux prêts à être ouverts. Et tout maléable. Ça aurait été bon. C'est qu'ils ont fait jouer du Rihanna à la place. C'est ça. Exactement. Bien mieux. Ben oui. Bien mieux. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est pas du Lionel Fourage. Ça, c'est son vrai nom. Qui chante quoi? Aussi. Lionel Fourage qui chante « Hey, madame ». ».« Hey, madame ». Assez sexiste, ça aussi. Ça fait un peu... de Beverly Hills. Hein? C'est vrai, hein? Ça, c'est en 92, ça fait là. Hey, madame, tu me prends la tête, madame. Hey, madame, tu me prends la tête. Ça fait Julien Clerc. Ouais, hein? Baisse ton clapet, madame. Baisse ton clapet. Hey, madame. Tu sais, ferme le pas, mais baisse-le. Ouais. Hey, madame. C'est français? Tu me plaides trop, ouais. Madame. Mesure tes mots. Hey, je pensais à compte. Hey, madame, oh. Sois plus gentil, madame. Hey, madame, sois plus docile. Servez ça à vos femmes quand elles vous résistent. Hey, madame, baisse ton clapet, sois plus docile. Pense ça après m'aider. Hey, madame, tu prends la tête, madame. Toi qui as une aura d'inaccessibilité. Ouais, c'est ça qu'on dit, moi. Imagine avec tu ça. Tu prends la tête. Personne qui oserait te parler. C'est bien, ça va pas m'aider parler. Tu gémis, tu pleures et tu broyes. Oh, dis que c'est fatigant. Hey, madame, je t'aime encore, madame. Oh, il change d'idée, là. Eh oui. Hey, madame, tu vois, hein? Tu me plais encore. Si on creuse un peu en tous ces cas-là, là, hein? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. La vraie. Faut leur laisser la chance, c'est tout. Souris encore. Ah, c'est drôle. Je suis sûr que si Marc Lépine s'était pas tiré une balle à la fin, on aurait pu avoir son émotion centrale comme ça. On aurait été surpris. Peut-être qu'il l'a encore entendu, mais il l'aurait fait avant. C'est ça. Ça aurait peut-être dépêché, il n'aurait pas sorti. Il aurait resté chez eux. Ça aurait pu sauver des vies. Il aurait fini sa job avant. Ouais. Lionel Fourage sauve des vies, même. Mais... parce que pour qu'est-ce que tu sauves des coupes, on repasse. Ouais, non, c'est ça. suivez pas leurs ses conseils. Ah, c'est vraiment long. Hein. Ouais, c'est long. Ah, pas de guitare, Gitane. Guitare, Gitane. C'est tout le temps comme en rajouter. Ouais. Mais c'est une couche de plus, là, tu sais. Boy. Je pense que toutes ces choses aussi dures, on serait dû pour quelques petits conseils du disque Renouveau conjugal. Parce que je n'ai que toi. Mon cœur est mon seul maître et maître de mon cœur. L'amour nous fait la loi parce que tu vis en moi. Rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je suis prête à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est plus qu'un jeu comparé à l'amour. Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel. Je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil. Un auteur, Patrick Parce que je t'aime. Je t'aime. Ça, c'est toujours prélude d'une petite tonne. Je pensais que c'était mort. C'était juste. Claude a éloigné son micro pour être sûr de ne pas réagir dedans. Quel abondance, ce temps qu'il nous reste, nous aurons la chance. Toujours du bien de l'entendre, celle-là. Quand je marche et il fait gris, c'est ça que j'entends dans ma tête. Mon Dieu, tu passes des beaux automnes. Je suis un gars très mélancolique. Ben oui. Je te connaissais pas de cette façon-là, ben non. Non, je te jure. Je te découvre aujourd'hui. Je sais, c'est vrai. De plus en plus, il devient de plus en plus accessible. Ouais, c'est ça. Vous voyez que Benoît Mercier est inaccessible, mais non. Faut juste l'apprivoiser lentement. Ouais. C'est ce qu'on fait à 70%, on les apprivoise. Il y a bien des affaires qui se font à 70%, en fait. Oui, qui se font nulle part ailleurs. Vraiment. Ouais. Sinon, je pense que c'est trop de mélancolie pour moi. Ouais, je vais peut-être faire une overdose. Hein. On va y aller pour un simple petit rappel de Pierre Lalonde, qui fait bon se rappeler quand on sait qu'un tueur fou avec un fusil est peut-être juste l'autre côté de la rue. C'était vraiment ta thématique. Ouais, ouais, c'est un fil conducteur. C'est donc bien moderne et rempli de... Ça mérite que je le monte un petit peu, ça. Oui. Laissons tomber les jeux, les trucs et les scènes entre nous. Un mariage d'amour, c'est fragile. Attention, la vie est courte. Tout le temps qu'on passe à se battre est foutu à jamais. Pensez-y, les amis. Viens, mon amour, viens, faisons la paix. Nous pourrons guérir nos égratignures après. Attention, la vie est courte. C'est pas la peine de l'abréger davantage. Par des bouderies inutiles. Attention, la vie est courte. Allons-nous coucher dans le lit de la vie douce. Quelle métaphore. Viens. Je peux même pas dire qu'est-ce qu'il a dit. C'était parti. Oui, c'était vraiment parti. Tu me proposais d'aller se coucher dans le lit de la vie douce. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est une métaphore. Un matelas de serpent. Toute la vie, c'est toute la vie douce. Pas une heure de plus. La vie est si courte, je pense que... On va l'abréger, la chanson. Ouais, dans une vie courte comme ça, est-ce qu'il y a de la place pour la culpabilité? Oh! Merci. On a perdu deux auditeurs, fait qu'il fallait que je réagisse. Ben... T'attends bien mise, Claude. Ben oui, je sais. C'est que la culpabilité, c'est sûr que... On pense souvent à toutes les choses qu'on a faites. Des fois, on a des élans nostalgiques qui sont autant positifs que négatifs. Mais la culpabilité qui m'intéresse, c'est la culpabilité sociale, celle qu'on essaye de nous donner. Ouais, c'est ça. Je suis curieux de voir. Où est-ce que moi, ça commence tout jeune. Je pense que vous vous souvenez toutes de Live Aid. Ouais, ben oui. Live Aid ou de nos parents qui dit « mange toute ton assiette » et des petits-enfants en Afrique qui n'en ont pas eux autres. Ah, c'est de là que ça vient, ça. Ouais, ouais. Si t'en manges toutes, ça va beaucoup les aider. C'est exactement. Est-ce que c'est la même affaire pour la crème Budwig ou... Parce que moi, je n'ai pas de la crème Budwig. Je sais pas, j'ai goûté ça une fois, la crème Budwig. Je m'en souviens même plus c'était quoi le principe. Ça, hein? c'est ça, c'est la technique nado. Tu mangeais ça, la technique nado, puis t'es ensemble. Ouais, c'est ça, c'est à l'ensemble. Hein? Ouais. Puis, mais pour qu'est-ce qui est de Live Aid? Bon, on se souvient que Live Aid, le projet, c'était pour venir en aide à l'Éthiopie qui souffrait de sécheresse. Ouais. En grandissant, j'ai des amis avec moi qui ont toujours voulu me faire sentir coupable sur le fait qu'on soit bien ici, qu'on profite d'une certaine richesse. Et puis un jour, moins naïf et surtout m'informant, mais j'ai appris que, entre autres, l'Éthiopie... 85 sortait ou terminait une guerre civile atroce de 10 ans où que le but c'était de brûler les récoltes. Alors avec également bon une période de sécheresse, ça a fait que ces gens-là ont crevé de faim. C'est-tu de ma faute? En vieillissant, je me suis dit bon, je manipule pas les organismes de gouvernement. Et puis finalement, tout ce gros spectacle-là nous a amené à sentir moins coupable, mais au départ, il n'y avait pas de cette culpabilité-là. Alors, à quoi ça servit? C'est la question que moi, je suis pas capable de répondre. Si vous êtes capable, dites-moi le don. 987-3000, poste 1610. 1610, oui. Et puis, je suis venu à réfléchir à ça récemment parce que, ben, on voit, l'hiver arrive, la première neige sur les trottoirs pour nous faire déraper et bien installer. Qui dit hiver à chaque 4 ans dit Jeux olympiques. Hmm. Vancouver ouais. qui va nous recevoir les Jeux olympiques. Et puis bon, je lisais récemment toutes les installations, comment que c'est beau, et surtout comment qu'ils ont bien fait ça, minimiser les impacts environnementaux, réutiliser les matériaux, déconstruire certains sites pour reconstruire autre chose. Il y a des sites qui sont déjà utilisés par la communauté, par exemple Leron a patiné pour le patinage haute à grande lame, qui est déjà utilisé pour diverses utilisations par la communauté, que ce soit des terrains de badminton. Et puis ils ont aussi élargi l'autoroute entre Vancouver et Whistler. Bon, mais c'est une bonne chose. De toute façon, on sait qu'il va toujours avoir plus de voitures. On se demande pourquoi qu'en 1960, ici, on n'a pas fait nos autoroutes à 4 voies au lieu de 2. Ouais. La seule chose, c'est que là, j'arrive sur un coin de rue et je vois une affiche qui essaie encore de me rendre coupable en disant, bon, à quel prix l'environnement a été touché par les travaux des Olympiques puis tout ça, etc. Donc, encore une fois, on essaie de nous faire sentir coupable sur un événement quand même qui passablement joyeux. Ouais. C'est même banal, le point de vue environnemental. Et, c'est pas ben la exactement. Fin du monde. Acheter des voies, pire, je te dirais. Ouais. Ouais, c'est... Bon, c'est sûr qu'à quelque part, on doit sûrement pleurer sur le cas de quelques réserves autochtones. Il faut dire qu'il y en a quand même 350 en Colombie-Britannique. Donc, la culpabilité, je vous dis que oui, c'est sûr qu'on se sent toujours coupable pour nos petites affaires personnelles, mais ça, c'est à nous de dealer avec ça. Mais la culpabilité sociale, je pense, n'a aucune raison d'être. On n'a pas à se sentir coupable pour des choses qui sont souvent pas de notre dû. Qu'est-ce qui est qu'une bonne... Finalement, là, tout commence par soi, puis après ça, on arrive à un résultat final. Mais bon... Je pense que ce que tu dis, la clé, c'est manque de culpabilité, mais pas un manque d'empathie, nécessairement. Mais, ben, d'une certaine manière, effectivement. Mais on n'a pas à nous faire sentir coupable pour soit la pauvreté des uns, les insuccès des autres, ou tout simplement le fait qu'une ville ou une région entière connaît une période de réjouissance comme la Colombie-Britannique connaît en ce moment. C'est pas une raison pour venir gâcher les jeux à cause d'une autoroute supplémentaire qui défigure un peu plus l'environnement. C'est très profond, tout ça. Ouais, je sais, je me sentais un peu plus profond. T'es pas engagé avec des pets à la place? Je pense qu'on serait dû, là. Ouais, mais... c'est Marc Lépine. Ouais, ça t'a touché, hein? Ouais. J'en ai profité pour... Je me suis senti tellement longtemps coupable d'être un homme que je me suis dit, ça n'a juste pas de bon sens. Non, faut pas se sentir coupable de ça. Voyons donc. Sinon, c'est elles qui ont gagné. Il y a l'ironie dans la voix. Ont-elles déjà gagné? Ouais, en tout cas. Bon, OK. Là, on va remonter le moral des troupes. Oui, let's go. Fini les tueries, fini les guns puis les désaxés. Allons-y, carrément dans Noël, cette période qui n'est que joie, bonheur et félicité. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Noël s'en vient. Ouais. Écoute, j'ai pas d'argent, j'ai pas de blonde, j'ai pas rien moi pour les fêtes. Que... C'est pas grave, tu vas voir, ça va être le fun quand même. Ouf. T'as des amis, puis t'as de la bonne musique. Et t'as des ailes de barbecue, des ailes de poulet au barbecue. Ouais, c'est ça. C'est la clé à Noël. Ouais, ça prend ça. Tu mets ça au four, puis il suffit d'un four. Donc, j'ai pas de four. T'as pas de four. C'est une cause de désespoir. Alors, tu viendras fêter Noël. Un peu de musique pour remonter le moral. Ouais, ben écoute, quoi de mieux que de prendre un succès hispanophone, quétaine, toune de l'été, puis de rajouter juste des petits grelots puis une petite cloche en arrière et d'en faire instantanément un Christmas remix. Ah non. Parce qu'on peut plus faire des nouvelles tounes de Noël. Non, on peut plus. Vous voyez? On met ça puis c'est tout de suite Noël. Ah non! Non, c'est quoi ça? Ah non, c'est... Regardez bien, c'est... À partir de là, ça devient très difficile de différencier la version Noël puis la vraie version. Il y a juste les petits grelots. C'est saupoudré. C'est ça. Puis on a comme une petite cloche de cellophane. Sinon, c'est la même chose. Tu mets du poivre sur un gâteau, ça devient un repas principal. Voilà. J'aime beaucoup la comparaison. Ah, souple. Alors, ça, c'est évidemment la SketchUp. Je sais pas c'est quoi, mais ça fait mal. Qui chante Aceré, en parenthèse, Crystal Sound Xmas Remix. Là, rendu ici, là, les petits grelots, ils entendent plus. Fait qu'il y a le petit xylophone qui nous rappelle que c'est Noël. C'est vrai, les grelots sont là, mais vraiment fouillés. Tellement faiblement. Fait que si la tune avait parti là, personne n'aurait dit « Ah, c'est un remix de Noël! » Là, on découvre un peu les grelots. Jazz. Il y a moins de cochonnerie par-dessus. Là. C'est ça. Moins de ketchup. Mais quelle excellente idée me suis-je dit quand j'ai découvert ça. Mais évidemment, bon, là, on peut être déçu du remix. Mais, si on veut rester un peu dans le même ton, mais diminuer un peu la déception... Guy a fait une tune de Noël. On peut évoluer, non. On peut évoluer vers Los Del Rio, qui nous chante Macarena Christmas. Joy Mix Club non, version. Non, ça, c'est le genre de truc que je viens vraiment agressif, par contre. Je te conseille de t'attacher une chance... tout de suite avec ta ceinture. Une chance qu'il y ait de l'autre bord de la ville. Regardez comme c'est subtil, le mix. Ouais, on l'entend un peu en arrière qui se promène. Très Noël. Ouais. C'est l'idée que je me fais de Noël. Oh, oui, ça va très bien ensemble, ces deux affaires-là. Ouais. La magie s'en dégage. Tout de suite. Décuplé. C'est plus que la somme des parties. C'est pour tous, amour sur la terre. C'est chorégraphique. Puis attends, ça s'améliore à mesure qu'on avance. Mais je pense que c'est nous autres qui est trop dur. On est trop pseudo-intellectuels en ce moment. Là. C'est ça? Ouais, ouais, ouais. Laissez-vous aller à vos émotions primaires. Parlez votre cervelet. Je vais pas me mettre à faire des 8 dans le studio. Aïe! Ah, Colin, ça n'a pas de sens. C'est incroyable, hein? Le gars qui fait ça, il devait être crampé tout le long. C'est dur à croire. Il ne pouvait pas rire, là. Il ne pouvait pas rire. Oh, il a volé le de deux. Ouais. Il est rendu à Jingle Bell. C'est comme une tumeur des tonnes de Noël. Un soir on danse, mais avec la Macarena sur le background. C'est ça. Ça a l'air vraiment juste d'une mauvaise job de DJ. Hein. Plus qu'il y en a, mieux que ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, on revient, hein. Là, ouais? J'ai entendu un chat, hein? Ça va te faire le cap? Moi, je rajoute rien, là. C'est pas de Noël? C'est pourquoi j'ai un chat, c'est Noël? Non, mais il doit y avoir un Christmas cat mix. Oui, ça existe, ça. Ah, ouais, ça existe, j'ai entendu ça. Oui. Les yeux autour. Fait que ça, là, évidemment, ça dure encore 3 minutes 45, fait qu'on se tapera pas tout ça. Je vais juste skipper tout à coup au milieu de ce qui reste. Hein? Vous avez rien vu, hein? Il est tellement bon. T'as pas tout skippé pour de vrai? J'ai skippé. J'ai rien. J'ai pas vu de différence. Quand j'étais au secondaire, j'étais obligé de lire « Vol de nuit » de Saint-Exupéry. À un moment donné, j'ai sauté un chapitre, ça fait exactement cet effet-là. Ça, c'est bizarre, avec le parfum. Le Simpson. Non, j'ai pas lu ça. Ouais, c'est... la même affaire. C'est culte. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai entendu souvent parler de ça. Fait que bon, ça reste dans le même plutôt, là. Mais faut avouer que c'est quand même plus travaillé que Acerehe, Crystal Sound, Xmas Remix. Qui est la prochaine? Non, qui est la précédente. Ah. Faut suivre un peu, là. On suit. Ah, excuse-moi, ouais, ouais. Ok, on va changer de genre complètement. On a Mylène Farmer, la vilaine fermière. Ça va s'améliorer, ça? Tout est chaos. Ça va changer de genre. vive le vent, à côté. Non, ça, c'est même pas un remix d'un vieux succès, c'est une toune toute neuve. Car peut-on inventer des nouvelles tounes de Noël? Moi, je dis qu'il y en a qui au moins essayent. Faut lui donner le crédit. Et Mylène Farmer, ici, nous fait l'instant X. C'est très Noël, ça. X l'instant en rapport X. À Xmas. Oh, ok. L'instant X. Oh, tabarnouche. Hein? C'est Noël? C'est Noël? C'est Halloween, je dirais plus que Noël. Ben, il y a des cloches. Des cloches, il y a des cloches. Ça, c'est en 2003, cette belle chanson. C'était trop tard. Mais qu'est-ce qui nous vendu la planète et en plus ma comète? Oh, il est entendu quelque chose en arrière en même temps qu'elle disait comète. Ouais, hein? Sans défait que le col de rang. Probablement. C'est plate à dire, mais ces bonnes années sont derrière. Ouais. Qu'on attend comme le Messie. Comme ouais, ça fait un charme. C'est pas que tu disais tout le temps. Ouais, elle vient de point clair, cette fille-là, mais je pense que ça a arrêté. La excuse B qui fait-il? Mais pour l'heure, dit Papa Noël, quand tu descends. Oh, yeah. Oh, my. Respect, papa. Hey, non, mais je m'en souviens de cette chanson-là. Ah oui? Non, j'avais jamais entendu ça avant cette semaine. Ah, ben, il y a minimum une réutilisation de certaines paroles, par contre. Papa Noël, quand tu... Ouais, ouais. Mais c'est tout. C'est ça. C'est quand même refait différemment, puis avec plein de nouveaux couplets. Oh, quelque chose qui... explose! C'est quoi, ça? Hélicoptère, explose? Je pense que c'est ça. Le X étant les pales de l'hélicoptère, vu d'en haut. C'est facile de faire des liens. C'est comme les bits à Claude, en fait, c'est des Mexicains, mais vu de haut. C'est ça. C'est ça qui grimpe les mamelons. Bon. Je pense que c'est assez de cette affaire-là, s'il vous plaît. Ah, attends, je te refais. Non, mais ça me donne envie d'avoir des pantalons de coton slack et de me pitcher à terre. Ouais, ça me donne juste envie de me pitcher à terre. Les pantalons de coton slack sont optionnels. Ils sont optionnels. Bon, tu parlais de Live Aid tantôt, Claude. J'ai une toune de Noël qui a rapport avec ça. Voilà de quoi nous faire sentir coupables d'être bien à Noël. C'est un spawn. Il s'agit de Un Noël pour tous. Chanté par le collectif Un Noël pour tous, qui a sorti un single comme ça. Un collectif qui s'appelle Un Noël. En quelle année encore? En 2006. Donc c'était en France. Ça ne s'est pas bien rendu ici. Oui, c'est bien correct ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont pris tous les rappers, hip-hoppers français. Ah, il va y avoir beaucoup de trémolos, ça veut dire ça. Ouais. Ils ont tout mis ensemble. Puis là, ils leur ont fait chanter ça. Puis c'est pour ramasser de l'argent pour les enfants pauvres, je pense, ou les opprimés. Quelque chose comme ça. C'est souvent les... la même chose, ça va ensemble. Synonyme, ouais, ouais. Non, écoutez, là, c'est pas les enfants pauvres ni les opprimés, c'est les enfants du ghetto. Ouais, c'est ça. C'est encore plus opprimé. Les enfants de la rue, plus pauvres. Ils n'ont pas de chance, eux autres, dans la rue. Ouais, c'est... on est reconnaissant... ça se soit pas vraiment rendu jusqu'ici. C'est pas vrai que les Européens font juste des bonnes choses. Non. C'est vraiment pas vrai. Ah, oh, come on! Yeah, attends, dame. Respect, non? Quand le beat est fait avec des claquements de doigts, on sait que c'est profond, c'est vrai. C'est simple. C'est pas des vrais claquements de doigts. Non, c'est ça. Des faux claquements. Des faux. En fait, c'est un treuil avec un meilleur... C'est ça, tu fais juste tourner une manivelle. Ben c'est vraiment un chien à programmer. Ouais. As-tu reçu leur non, là je m'attends qu'il y ait une parole en anglais, c'est le deux. Ben, je t'avouerais que je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout. Là, je la découvre avec vous. C'est un beau moment. Ouais. Si je fais un pas de plus, je vais aller plus loin que je ne suis jamais allé dans cette chanson. Tu vas jumper le shark, moi. C'est vrai que tu sens qu'ils veulent parler en anglais. Ouais. C'est pas aux familles qui sont dans leurs besoins. Leurs cousins. Je sais pas. Soit c'est Merry Christmas ou Peace of the World ou something like this. Ouais. Ça serait approprié. Mais quand même, ils étaient pas dans le dos. C'était une bonne gang en arrière. Hein? Ils sont beaucoup, là. Ils étaient comme 10-15. Ça tient les mains puis c'était joyeux. Tous des noms qui ne disaient absolument rien à moi. Un genre de We Are the World, mais. De Noël, ouais. Black. Hip-hop. De France. C'est ça. C'est, tu sais, ça a tout pour être bon. Il hey, y a Dan Aykroyd hein, dans le spécial de Noël de. Tu sais, la toune, We Are the World. Non, pas de spécial, mais la We Are ouais, the World. Ouais, Dan Aykroyd, des groupes canadiens anglais. Ben, il est pas. C'est le gars qui a fait Ghostbusters. Ben ouais, mais. Ben, ouais. Tu peux bien chanter. Je sais pas ce que. Ben ouais, mais. Tu sais, Michael Jackson, il est sur un raid ici. Hein. Il quoi? Il est sur We Are the World, Michael Jackson. Mm-hmm. C'est lui qui l'a fait. Mm-hmm. Super important. Pauvre Michael. Hein. Pourquoi? Il ne fêterait plus de Noël, lui. Je pense qu'il est rendu là, dans son afterlife. C'est une bonne question. Je crois qu'il est devenu un Flash Golem. Un quoi? Un golem de peau. Mm. Un golem de silicone. Tu joues pas l'anglais à date, hein? Ça l'aide pas vraiment, je t'avouerais. Moi qui en ai eu pendant qu'on parlait d'autres choses, hein, qu'on a pas remarqué. Mais c'est con parce qu'on a obligé de tout la remettre. Non. Il reste 25 secondes. Tenez bon, Colin. Et les enfants pauvres opprimés du ghetto auront un meilleur Noël, grâce à vous tous. Parce qu'on l'aura écouté? On l'aura écouté. Parce que je l'aurais downloadé. Oh, le trémolo final. Hein? Ouais. Voilà, ouais. Merci. Ouais. Les enfants pauvres. Qui ne pourront pas écouter cette musique parce qu'ils n'ont pas d'iPod. Ils n'ont pas d'accès Internet. Ouais. C'est pas dommage pour eux autres. Mais en attendant. Je pense qu'on a besoin de quelque chose pour nous remonter un peu. Ouais. On y va un petit peu. Oui, c'est up and down. Hein? Mm. C'est vraiment. Ouais, je sais, je me sens tout bizarre de ces montagnes russes d'émotions. Oui, c'est fou. Puis là, regarde, je sais pas si ça c'est considéré up ou down, mais en tout cas, je te passe ça. Il y a des grelots. Ça les prend. Lui, il hésite tantôt. Ça existait pour de vrai. Tout le monde aime les pets. Tout le monde, surtout les pets sauces comme ça en finale. Des heures de sympa. C'est on l'air artificiel. Ceux qui résonnent dans la cuvette, ils font la job. Et là, je vais tous vous savoir, mais malheureusement, je n'ai que 40 secondes de ça. Non! C'est la meilleure de même. Oh non! Si quelqu'un l'a au complet, moi, c'est crédité ici, là, j'ai trouvé ça sur le net. C'est con! Apparemment, ça serait Boris, l'artiste de ça, puis ça s'appelle Noël Petz, puis après ça, il y a un mot en allemand, Kerstlidge. Je sais pas. Fait que j'ai aucune idée ce que pets, ça veut dire. Mais pas les animaux, là, les pets anglais. Les pets, ouais. Les vrais pets. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Brillant. C'est pas la même toune que t'as remis. Hein. Ouais, 40 secondes, c'est pas assez. Faut faire voir que c'est bien travaillé, là, quand même. Ah, y a du vrai là-dedans. J'aime les creux, moi. Ouais. Ah, ouais. Ceux qui résonnent, moi, j'ai ils ont plus de corps. Ouais. Je suis content que Camille soit pas là. Des millions d'années d'évolution pour ça. Là. Ouais. Ah, c'est joli. Merci. Ah, ça fait toujours rire les pets. Ouais, toujours. Hein. Ça ferait un bel effet. Je vais la remettre la semaine prochaine. Oui, s'il vous plaît. Ça prend la réaction des autres. Si Israël était là, en tout cas, lui, il aurait une fixation. Mais il l'aimerait. Ah oui, c'est clair. Il l'aimerait beaucoup, beaucoup. Bon, que voilà, c'est ça. Là, maintenant, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on peut s'en aller? On va s'éloigner des pets, mais on va rester dans les chansons qui sont pas chantées par des voix humaines. Ou par des orifices humains. Ouais. Un grand classique. C'est des animaux. Le Chicken Jingle Bells. Ah, mais ça, je l'avais jamais entendu, mais je l'avais déjà fait moi-même. Je pensais que c'était une légende, ça. Non, c'est pour de vrai. Je sais pas qui a fait ça, en fait. C'est le cousin de l'autre qui a fait avec les pets. C'est ça. C'est son homologue français. Ouais, c'est ça. Fait que ça, bon, on voit bien que c'est en face que c'est un humain qui fait un bruit. Ouais, ouais, ouais. À moins que c'est un poulet vraiment bien entraîné. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être des fraissons de poulet simplés et réarrangés. Ouais, mais c'est vrai qu'on a quand même des dames chantantes. Moi, au 10 maïs OGM. Ça arrive aussi. Mais par contre, bon, on en a parlé un petit peu tantôt. Oh. Guitare. Les guitares, c'est un synonyme de qualité. Tout le temps. C'est les tunes qui ont de la guitare, tu as remarqué? Il y a de l'âme. Tout le temps de la qualité. Oh, il n'y en a plus. Ben lui, il n'y a pas d'âme parce que c'est un chat. Ça n'a pas d'âme, un chat? Non. Je me demandais, chat. Les chiens, oui, mais pas les chats. Ah, ok, pas les chats. Bon, je suis pas surpris. Fait que ça, c'est l'album. Tiré de l'album Miaoui Christmas. Ghost Jazz. Des Jingle Cats. C'est drôle, je les ai jamais vus en spectacle, ça. Non, hein, la tournée s'est interrompue assez rapidement. Ils sont arrivés faire un show dans un buffet chinois puis ils sont jamais sortis. Ils sont jamais sortis de là. À la fin, c'était juste instrumental, personne ne comprenait rien. Mais Côte Levée était bonne en tabarnak. Moi, je pense qu'il faisait tourner avec les Super Dog versus les Vélociraptors. Comme la même tournée. Fait que ça, il y a des albums entiers de ça, là. Ouais. Pas rien qu'un en plus de ça. Mais ils sont-tu plusieurs chats sur la même guitare ou il y a un chat? Je pense qu'il y a un chat qui fait le strumming puis l'autre qui fait le les doigts. Ils ont pas besoin de pic. C'est un concept ça. À la White Stripes. Sortis ensemble. Ils sortaient ensemble. C'est des chats si à moi. Hein? C'est ça. Ouais. Oh. La mort. Donc, c'est ça, les anti-chats. Donc, il y en a plein. Il y a de l'argent. Il y en a pour tous les goûts. Mais ça, au moins, c'est pas un gars qui fait un bruit de chat, t'sais. Non. C'est quand même des chats qu'on a samplés puis qu'on a un peu réarrangé. Ouais, ça change tout, là. C'est quand même mieux. C'est plus noble. C'est plus vrai. Ça dépend où ce que tu payes sur le chat. C'est ça. Il y avait un sketch de Monty Python comme ça avec des souris. Oh! Il y avait un gars qui avait entraîné plein de souris à crier un pitch différent. Puis là, il jouait une toune en les écrasant avec des marteaux. Hein. Ouais, il y a ça dans Meet the Feebles aussi. Il tape sur des cochons. Non, c'est des mopettes, excuse-moi. Je mélange les deux. Ah. Mais sinon, bon, il n'y a pas que les chats qui peuvent chanter. Ah, leurs cousins, les chiens. Les chiens et leurs âmes. Oui, mais c'est pour ça qu'ils chantent mieux. Ouais, on le voit tout de suite. Ça chante vraiment mieux à date. Les chiens, ça joue quand même au poker. Hein. C'est ça, ils sont capables de bluffer. Ça, ça a tellement l'air de la soundtrack d'un gogos diplo cheap de Noël que tu passes une patte et ça fait ça. Là. Ça a été samplé puis tu vois que ça touche. Et, oh, ouais. Mais le problème. Oh, les chats se sont joints. Ils ont un caméo. Mais c'est plus facile à sampler, j'ai l'impression, un cri de chien. Ouais, pour la réutiliser par après, là. Probablement, ouais, c'est plus simple. Ça se passe mieux. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est tiré de l'album Jingle Dogs. Christmas Unleashed. Featuring the Jingle Cat. Featuring the Jingle Cat. Unleashed. Oh, oh, oh, oh, oh, man. C'est assez fort, il y a un peu. Ouais, quand je travaillais dans les Antilles, j'avais entendu la salsa de Del Perrito. La salsa du chien, ou est-ce que c'est une salsa ou c'est un chien qui chante dessus? Ah. Ouais. Mais moi, j'aime ça parce que je suis le genre de gars qui va écouter des émissions à anciennement TQS. Pour pas dire. Ah, attends, t'as l'air vieux, là. Ouais, je sais, je dis-le sais. Comme il faut, là. AV. Ouais. Ou c'était quoi? C'était bête. Bête, pas bête. Moi, dès qu'il y a un chien, je vois un extrait d'un chien qui se court après la queue, genre, je crampe. Je suis d'accord, je suis. Ouais, mais aussi, c'est ça. Moi, j'aime bien les chats qui jump pour pogner de quoi puis qui se pètent la gueule. Ouais, c'est. Ça, ça me fait bien. J'ai un chat moi-même, puis j'ai un pointeur laser, puis on a eu beaucoup de plaisir. Mais là, le chat à cette heure, il a peur du pointeur laser. Il va être en abusé parce que ça. Il voit le pointeur laser arriver, puis fait une espèce de petit cri, puis il essaye pas de le pogner. T'as déconditionné ton chat. Ouais. Ouais, c'est faut le faire. C'est beaucoup de travail, mais on peut y arriver si on se lève. Il y avait un chien qui faisait ça. Qui courait après pointeur. Ouais, ben les lampes de poche, tout ça. Ah, ouais. C'est plus que, c'est plus félin. C'est plus les lampes de poche, les pointeurs laser, les derrières de pare-choc. C'est ça. Tout est là. Voilà, il ne reste plus que 5 secondes à cette magnifique tune. OK, parce que après ça va être quoi, les grenouilles? Ouais, là, je suis obligé de plugger mon affaire parce que j'ai plus de batterie, fait qu'il va y avoir un petit bruit de fond. De batterie dans mon laptop. Fait qu'on entend ça, la distorsion, là, c'est pas la musique. Là. Non, c'est moi. C'est carrément c'est fort. Donc, ensuite, bon, est-ce qu'on peut descendre plus bas que ça? Ben oui, on peut, parce qu'il n'y a pas que des gens, des pets, puis des animaux qui peuvent faire des tunes de Noël. Il y a également des outils. Ah! Alors, faut pas les oublier. On a The Handyman qui nous interprète The 12 Tools of Christmas. c'est vraiment bon. C'est thématique. Ça, je l'adore, ça. Là, à chaque fois, il en rajoute un, puis il répète tous les autres. Il essaie pas de les faire matcher, par exemple. Il essaie pas de suivre le beat. J'en sors à chaque année avec un grand délice. Ah, le cri. Ratchet. On est rendu celui du cinquième. Non, je sais pas vos jobs, les gars. Que tu coupes un doigt. Ah! Ça, c'est pas un album au complet. Non, ben. Il y a un album au complet, ouais. Moi, je n'ai que deux chansons, malheureusement. Le gars qui m'a envoyé ça, c'est un auditeur anonyme qui m'a pitché deux tunes en me disant j'ai trouvé ça chez Zellers. Surprenant. Je me suis garoché chez Zellers, je l'ai jamais vu, j'ai recontacté le gars, il m'a jamais répondu. Je pense que c'est juste le diable qui m'a envoyé deux tunes. Là, je sais pas, on est rendu à combien d'instruments, à combien de titres, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il reste 4 autres. Le gars, ça compte-tu pour un instrument? Le gars qui crie, ben, il fait partie de la cible. Est-ce qu'on sait plus quoi faire? Mais tu sais, je trouve qu'au moins ça renouvelle de quoi. Ouais, ouais, c'est le rire. J'en reviens pas qu'il y a du monde qui investisse à l'argent là-dedans. Je parle pas du monde qui achète l'album. Non, non, mais les gens qui produisent l'album. Ouais, c'est encore plus sidérant. La meilleure idée ever. Ah, ben, c'était bien original, puis il a fait la fierté de sa communauté, cet homme-là. Probablement. Mais c'est comme le type qui fredonne Noël, il a fait de l'argent en crime avec ouais, ça. Ouais, mais d'ailleurs, celui-là, c'est un des quelques-uns que j'ai payé, là. Que t'as acheté, ouais. Acheté, ouais. Il était en vente l'année passée, c'était assez massif, même ou Archambault à côté, non, les stands, tout ça. Fredon Noël. Ouais, je vais le mettre après, je vais le sors aussi à chaque année. Au grand déplaisir de Tony Godette. Quand les autres ont fini leur chac, là. Ouais, donc je finis. Il reste 24 secondes. Quand quel jambon est pas là, les franges dansent. Je vais y remettre la semaine prochaine, anyway. Il y a des classiques. C'est la dernière à battre. Je pense que le gars, il a pas compris parce qu'il arrête pas de se couper des doigts, tu sais. Ouais, mais il y avait un handicap. Et voilà. L'autre tune que j'ai est beaucoup moins intéressante. Je vais juste mettre un extrait. Ça s'appelle Wreck the Halls with Tools of Folly. C'est le même album ou. Le même album, okay. Ouais, c'est les deux tunes que j'ai sur cet album-là. Ah, ok, ouais, il vient de. Il wreck les autres. La sonnette. C'est quand même moins intéressant. T'sais. C'est plus une tune normale avec des bruits de construction par-dessus. L'autre, au moins, les sons étaient intégrés dans le tune. C'est vraiment... Comment rendre une tune de Noël désagréable encore plus? Mettre des bruits de construction que d'habitude, quand t'entends ça, tu vas plus l'arrêter. C'est tout le monde qui essaie de dormir, et ça... Ouais, c'est lui. Ça, c'est Dan Foley, Fredon Noël. Puis lui, ben, c'est ça, sur son album, il nous dit carrément que ça a été enregistré chez eux, sur son ordi, avec son petit micro. Voilà, on a un effet. Il y a un petit effet de reverb dans la voix, ouais, puis un bass filter. Fait que lui, il a fait n'importe quoi, puis ça s'est vendu. Ouais, c'est... Ben, ça s'est vendu comme une curiosité, je crois. Ben oui, il n'y a pas personne qui va acheter le premier album de Norman Amont. Ouais, c'est ça. Mais moins, ça a quand même moins pogné que ça, hein. Mais tu vois, on peut changer de track. Puis, tu vois, lui, c'est plus suave. Ça. Ouais, c'est différentes variantes. Ouais, l'effet en arrière que j'aime bien. On va bien aussi. Vous entendrez également Fond Cave. J'ai une idée. Quoi? Pourquoi dis-tu quoi? Les idées des filles sont toujours stupides. Mon idée à moi n'est pas stupide. C'est quoi ton idée? Préparer le sapin de Noël. Formidable. Oui, pour une fois, Isabelle, tu as une bonne idée. Oui. Vite, préparons le sapin de Noël. Oui, vite, vite. Ah. Ok, je pense que c'est autre chose. Ça aurait dû être mon beau sapin ici, il me semble. En tout cas, Dan, ça aurait été un beau... Il faisait ça coucher sur le côté dans son lit. Probablement. Il a l'air vraiment flan. Celle-là est un petit peu plus travaillée. Ah, c'est encore lui? Ça. Tu vois, ça n'était qu'une intro. C'était dans sa deuxième phase. En tout cas, c'est même tout le long. On a même droit à... Bonsoir, ici Dan Foley. Bienvenue de Dans mon disque de Noël. On a droit à un remix dance de ça. Donc, c'est Dan Foley, Fredon Noël. Passe-moi un sapin mix par GF Magnet. C'est le dernier track de l'album. Ça se veut humoristique, ça, j'imagine? Ouais. Je prends pas trop sérieux, c'est ça? Ça marche pas. Après, on sent le citron, là, encore. Il a fini par se lever puis prendre un café, ça. Ouais, là, il est plus réveillé. C'est l'effet du dance, là. Ça te met tout de suite dedans. Ça a pas marché sur Guy, par contre. Ça a pas marché sur tout. Oh! Bon, fait que on va essayer de passer à un autre grand dont on a nommé le nom tout à l'heure. Quand arrive le temps des fêtes, un des maestros. Quand ouais. On a le cœur joyeux, quand on a le goût de vouloir, c'est le goût de vouloir faire plaisir. Ben, c'est le goût de dans vouloir faire plaisir. Magasins, ben, va t'acheter un cadeau. On est là. Qu'on regarde partout. Ah ouais, on est là. Pour acheter moi, il me parle, là. Tous nos cadeaux. On pense quoi donner. On pense à quoi l'un donner. Et à l'autre. Quand la famille est nombreuse, ce n'est pas qu'une petite affaire. Et terre. Non. On se demande. Il y avait quelque chose à dire, là. Qu'est-ce qu'on va. Ça, c'est tiré du CD 31 de Norman Lamour, un des premiers, parce qu'on sait qu'il est rendu au-delà de 200, qui est l'album de Noël, tout simplement. Même plus drôle, Norman, il me fait même plus rire. Non, à un moment donné, on a fait le tour. Ouais. J'ai passé à tout le monde en parle, puis après, ça a fait comme... Voilà. Il a pogné le mur. Ouais. C'est le plus loin qu'il pouvait aller. Mais là, il était encore là, il s'accroche. Là, il est au magasin maintenant. Avant, il était au Madrid, sur l'avant. Là, à ce temps, il est à Sorel, au magasin de musique de son gérant. Ah, il y a un gérant? Il y a un gérant, oui. Qui est le gars qui a vendu sa console puis son micro. Son crasseur, tu veux dire. Oui, c'est ça. Puis là, ben, tu peux aller le rencontrer puis acheter ses albums. Tu peux même les commander sur le web, simple à chaque. normandamour.com. C'est un peu artisanal, là. T'envoies un mail, tu dis qu'est-ce que tu veux, puis t'as le poste. Ouais, c'est pas comme une commande automatique. Non, c'est ça. Tu peux faire une demande spéciale, c'est ça. Moi, je voudrais que tu parles de ma porte de shed. ça serait cool. Je suis sûr que tu peux y faire des commandes. Sûrement qu'il serait ouvert pour un prix. Il vend un album complet pour 5$. Tu dis, là, regarde, je t'en donne 10, tu fais une toune. Puis... Je veux que tu parles du jambon puis de la godette. Oui, oui, oui. C'est un beau cadeau de Noël. Il serait heureux. C'est clair. Revenir aux 2 ans de Bluetooth.org, chanter ça sur scène. Faudrait essayer de le contacter. Je suis sûr qu'il viendrait en plus de ça. Il a de l'air à chercher l'attention. Oui, entre autres. Entre autres. Quand on est vieux, des fois, on est seul et isolé. Ça nous arrive parfois. Sentez-vous coupable, là? Pas vraiment. Non. Moi, je l'ai pas, ça, ce module-là. La culpabilité, ils m'ont pas installé ça. Il y a qu'un senteur, Étienne Forêt. Ouais, je me suis fait dire souvent. OK, on change de tune. Ça va faire. Essayez de deviner c'est quoi, cette tune-là. C'est une tune que vous connaissez de Noël. C'est juste tout réarrangé. Facile. Non. Ça va reconnaître là. Les anges dans nos campagnes ont entendu. Mais, tu sais, c'est de la volonté dans celle-là. Ouais. Ben, ça, c'est méga musique. C'est le band officiel de Dolorama. Ça fait. J'ai découvert en 2002. J'étais allé au Dolorama acheter des décorations de Noël pour mon bureau, dans le temps que j'avais un bureau. Puis je suis tombé là-dessus. C'est dans ce temps-là, les CD vierges coûtaient à peu près une pièce chaque et ces CD-là coûtaient une pièce chaque. Donc ça donne une idée de la valeur du contenu. Puis c'était le méga musique, ils ont fait plein de disques de Noël. Puis depuis, on les voit encore de temps en temps, ces albums-là au Dolorama. Ils ont fait d'autres disques, pas juste de Noël, d'un petit peu tout. Alors voilà, méga musique, ils sont très forts. Je recommande l'album Noël Rock, volume 101, d'où vient celui-ci. Et on va conclure, je vais vous laisser sur la dernière toune. Ça sera la toune de Méga Musique. On vous souhaite un joyeux Noël. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite tous ici à 70%. Et pas trop de souffrance musicale. Merci de nous avoir tolérés. La semaine prochaine, de retour à notre programmation régulière. Moi, je serai pas là. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été là aujourd'hui. Ouais, merci, Benoît. Allez. Merci à Claude aussi. Hey. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye, tout le monde. Parfait. Ici Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux. Depuis plusieurs semaines, la vaste opération de vaccination contre la grippe AH1N1 bat son plein à travers le Québec. Déjà, plus de 3 millions de personnes ont pu se prévaloir de cette protection. À l'approche de la période des fêtes, un moment de l'année propice aux festivités et au rapprochement, je vous invite à poser un geste de solidarité en vous faisant vacciner. Non seulement vous profiterez ainsi de la meilleure protection, mais vous offrirez également aux personnes qui vous sont chères un cadeau inestimable. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonjour, bonsoir, Marianne Dissard qui vous dit que vous écoutez Variable Y sur Choc FM. Vous écoutez Variable Y, une génération mise à nu. Variable Y est une émission qui fait le portrait de la génération Y. Ce soir, nous explorons notre sexualité. Sarah Rouleau au micro, je suis bien excitée d'être avec vous ce soir. Avec moi en studio, Goran Bratic et Marilyn Fortin. C'est dans une ambiance de fébrilité que nous vous parlerons de sexe ce soir. Je vous parlerai des femmes cougars, ces femmes qui nous veulent, nos jeunes hommes. Nous aurons aussi un invité qui travaille au 281. Et moi, je vous pose quelques petites questions, à savoir si vous connaissez bien la sexualité. Oui, moi, derrière la vitre en régie, je vais vous parler des petites statistiques qu'une compagnie de condoms bien populaire a réalisées. Comme à l'habitude, il y aura quelques débats enflammés et surtout notre super concours. Nous dévoilerons les gagnants des paniers cadeaux au cours de l'émission. C'est plus de 250 $ en prix qui vous attendent. Très, très beau prix. Donc, pour l'instant, question de préparer le terrain, nous allons en musique avec les draps sourds de Marianne Dissard.